Bonjour, c'est Grégoire Dubois pour Contre-soirée, votre rendez-vous culturel du jeudi soir sur Radio Présence. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, pas d'émission en direct, rassurez-vous, toute l'équipe revient jeudi prochain. En attendant, je vous propose une rediffusion de l'émission du 13 décembre dernier. On y parlait de conversation instantanée, notre rapport générationnel au WhatsApp, Messenger, Skype, qui sont d'autant plus au cœur de nos vies quotidiennes en ces temps de confinement et de relations à distance. Excellente soirée. J'oserais même dire excellente contre-soirée à vous et bonne écoute. 7 milliards, c'est le nombre de terriens, mais aussi le nombre de conversations qui se tiennent chaque jour dans le monde entier sur Messenger. L'application séduit aujourd'hui 26 millions de Français. Alors pas de doute, l'époque se prête à la discussion instantanée. Et nous, nous sommes bel et bien la génération conversation. On n'a jamais autant communiqué qu'à notre époque. Alors vous le savez, vous les utilisez, vous en avez forcément au moins entendu parler. Les PTT d'aujourd'hui s'appellent WhatsApp, Messenger, FaceTime, Skype, Instagram, Snapchat et puis toujours le SMS qui tient bon, qui n'a pas besoin d'internet pour s'envoyer, fait assez rare pour être souligné. Alors où on va avec tout ça? Est-ce qu'on peut faire la conversation avec une machine? Est-ce qu'on peut faire plus instantané que l'instantané? Est-ce qu'on est encore capable d'attendre? De laisser des blancs? Des respirations? Au lieu de vouloir tout combler. Et puis dans un sens, on n'est pas stupide. Nous, les jeunes, dans l'ensemble, on est quand même vraiment conscients de ce mode de vie. On n'est pas naïf. On le voit qu'on est constamment dans ce tourbillon d'instantanéité sur nos téléphones tout le temps. On survit finalement à une attente de plus de 24 heures pour avoir une réponse. On sait surmonter la terrible épreuve d'une zone sans réseau. Allez, j'en suis sûr, un peu d'optimisme. Quand on arrête de penser notre époque en mal, quand on laisse de côté les jugements hâtifs, on se découvre très créatif, très inventif dans nos conversations. On a créé de nouvelles façons de dialoguer, de nouvelles manières de faire passer de l'ironie, de l'humour, de l'impatience, de la reconnaissance, de l'émerveillement. Le langage SMS, ça n'existe plus. Nous les jeunes, on écrit vraiment, on fait de belles et vraies phrases, on se parle, on s'organise, on refait le monde, on se drague, on s'amuse. On est définitivement la génération conversation. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. En direct, tout de suite sur Radio Présence. Et en podcast, où vous voulez, quand vous voulez. Contre-soirée, un programme présenté par Grégoire Dubois. Bonsoir et bienvenue dans la 15e contre-soirée, de retour en direct aujourd'hui. Bienvenue à vous aussi qui nous écoutez dans le futur en podcast. On est ensemble pendant une heure à la radio et sur Twitch. L'adresse pour nous regarder c'est Twitch, donc ça s'écrit T-W-I-T-C-H, twitch.tv/CTR soirée. Vous pouvez vous y connecter dès maintenant. Ce soir on parle de messagerie instantanée. L'équipe n'est pas tout à fait au complet, on attend peut-être Juliette, peut-être Mehdi, vous verrez. C'est la grande surprise, en tout cas Josué est là, salut Josué. Salut tout le monde. Voilà, et Myriam est là. Et salut. Vous êtes les deux meilleurs de l'émission. Voilà, on fait un podium à partir quand même, mais d'un moment. De ce moment, on fait un podium. Mehdi, Juliette, ils réécoutent. Voilà, ils vont entendre ça. Ils réécouteront pas. On n'est pas une génération où on écoute tout en podcast et plus rien en direct. On n'a pas d'ego, on se réécoute pas. On n'a pas d'ego, surtout. Ça, c'est important. Ouais. Et alors, en régie, on présente comme d'habitude les vaillants techniciens, techniciennes. Coraline. Et bonjour. Coraline, à côté, il y a toujours Julien. Bonsoir. Pour quelques bonsoir semaines. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être là. Et puis Marin. Bonsoir. Voilà, et à côté, viens dire bonjour à côté. Marin, tu as amené quelqu'un? Présente-la nous, une fille qui est assise à côté. Elle a peut-être peur de parler, mais il n'y a pas de souci, parle. Bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles pour les gens? Dis-nous comment tu t'appelles. Elle a un pull rouge, voilà, je ne sais pas pourquoi je décris ça, mais elle est là en régie, vous pouvez venir chaque semaine pour parler. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Laure. Eh bien, bienvenue Laure, bienvenue dans Contre-soirée. Voilà, je t'importune pas plus que ça. Et je me tourne vers mon équipe. Qu'avez-vous fait de beau aujourd'hui? Donnez-moi chacun une anecdote tout de suite. Josué? J'ai mangé au restaurant avec mon meilleur ami. C'est très intéressant. C'est bien. Non, c'est cool. Voilà, trop bien. C'est une anecdote pour les gens qui découvrent Contre-soirée aujourd'hui. Ils se disent comme ça, ils ont une bonne idée de qui tu es. Quoi. Tu ouais, vraiment. Ouais, là, vraiment, un mec qui mange au restaurant avec son meilleur pote, c'est vraiment. Non, c'est ça donne. Personne le fait. Vraiment, tu es une personne qui se substante. Je trouve qui ça se bien. Sustante. Ouais. Sustante, pardon. Non, sinon, j'ai eu pas de soucis. Kiné. Hein. Voilà. T'as eu kiné? Voilà. Bah, je préfère la première anecdote. Oui, ouais, Myriam, ouais. Toi, une anecdote super cool d'aujourd'hui qui définit qui tu es? Ouais, alors. Ou pas. Tu t'es levé. Non, ça, j'ai pas fait. Ah, justement, non. Et par contre, si, après, j'ai réussi à emmener une vieille dame faire un tour dehors. Alors qu'il pleuvait, etc. C'était quand même pas. Elle a des rhumatismes, etc. Mais elle est quand même venue et c'était une petite balade sympa. C'est stylé, c'est trop bien. Voilà, bah ça montre qui est Myriam. Ça montre qui est Myriam. Toi, tu bouffes. Moi, je bouffe. C'est ça. Elle aide les gens. C'est beau. Et moi, super anecdote, je me suis levé avant 7h aujourd'hui. Et ouais, c'est assez rare pour être souligné aussi. Et qu'as-tu fait? Attends, tu passes quoi? J'étais ici, là, on m'interviewait à Radio Présence. J'ai parlé 5 minutes dans le micro ce matin. J'étais excessivement stressé, je sais pas pourquoi, alors que... Non, il n'y a pas de souci. Tu passes ici tous les jeudis, pendant une heure. Non, mais je parlais le matin, parce que les auditeurs et auditrices du matin, peut-être, ils n'écoutent jamais le soir. Donc bienvenue, si vous les écoutez pour la première fois, bienvenue ici. On vous encourage plus que jamais à participer pour cette émission, parce qu'on parle de discussion instantanée, donc pendant toute l'émission, on va lire vos messages en direct si vous nous envoyez, SMS, etc. Des messages sur nos réseaux sociaux, sur la page de Contre-Soirée, sur Facebook, Instagram, Twitter, le même nom d'utilisateur partout, c'est CTR Soirée. Et puis à l'ancienne aussi, une adresse mail tout simplement, ctrsoirée@gmail.com. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire pendant toute l'émission. Et nous, on commence avec notre première rubrique en attendant nos camarades. Contre-Soirée, l'émission culturelle de la génération. Le bouton replay. Alors le bouton replay aujourd'hui réduit à 3 personnes que nous sommes ici. Qui veut commencer, Josué? Allez, alors moi je vais vous présenter un film de Randall Wallace qui est sorti en 2014 et qui s'appelle « Et si le ciel existait ?». Donc c'est le titre français et c'est adapté d'une histoire vraie qui a été écrite en livre par l'acteur principal de cette histoire, la personne qui a vécu cette histoire en vrai. Et en fait, pour vous résumer la chose sans trop vous spoiler, même si en vrai il n'y a pas vraiment de spoil à avoir dans ce genre de film et d'histoire, c'est l'histoire d'un pasteur américain, donc un pasteur, un protestant donc, qui est marié, puisque les pasteurs ont le droit d'être mariés aux États-Unis et partout France. Dans le monde aussi, oui. Et en l'occurrence, l'histoire se passe aux États-Unis, c'est pour ça. Voilà. Et le pasteur a 2 enfants, une petite fille qui est un peu plus grande que le deuxième enfant, qui est un petit garçon de 4-5 ans, 5 ans, je crois. Et en fait, il se trouve que son petit va faire... il va avoir une maladie, je crois que c'est l'appendicite, et il va la déclarer d'urgence d'un seul coup, et en fait il va se faire opérer. Et pendant l'opération, il sort de l'opération, il est sauvé miraculeusement. Il n'est pas mort pendant l'opération, son cœur ne s'est pas arrêté de battre. Et quand il sort, il dit « je suis allé au ciel, donc je suis allé au paradis ». Ah oui, mais j'ai entendu, c'est mort imminente, etc. Non, parce qu'il est pas là, il est pas mort justement. Oui, mais là où c'est spécial cette histoire, c'est que justement le chirurgien de la vraie histoire le dit, il n'est jamais mort. En fait, il ne sait jamais. Les expériences de mort imminente, c'est quand on meurt. D'accord. Et qu'on se fait réanimer et qu'on est dans un état second. Voilà, le temps qu'on se fasse réanimer, on monte au ciel. On n'a pas le temps de monter, on redescend. Voilà, exactement. Bah là, lui, il dit, je suis monté au paradis. J'ai vu Jésus, j'ai parlé avec lui. Donc parce qu'on peut croire ou ne pas croire, mais l'histoire juste vaut le détour juste pour voir, enfin l'intérêt de et les doutes dont est saisi le père qui est pasteur, donc lui qui croit en l'occurrence qui a la foi. Mais peu importe si vous croyez ou si vous ne croyez pas, je vous recommande ce film parce que vraiment déjà il est beau, il est magnifique ce film. Et ensuite tout le film est basé sur le fils qui dit toujours plus de détails qui prouvent son histoire. Et le père qui n'arrive pas à comprendre, vraiment qui n'arrive pas à être dans autre chose que le doute. Tu m'étonnes. Donc voilà, et il se trouve que c'est un pasteur qui fait des magnifiques sermons, etc. Il ramène beaucoup de gens dans son église, etc. Et là, en l'occurrence, il perd, à cause de ses doutes, beaucoup de fidèles. Bon, là, j'avance un peu sur le film pour vous donner envie, mais voilà. Donc allez le voir, vraiment. C'est un film qui est sorti en 2014, vous le trouvez en DVD un peu partout. Et c'est vraiment un film qui m'a marqué tout, donc ouais. Allez trop checker bien. Ça. Donc rappelle-nous le nom pour les gens. Et si le ciel existait en français de Randall Wallace. Joli, joli, joli. Le commentaire, super à propos. Trop bien, eh ben merci. Alors moi, je vous parle d'un sujet qui est tout autre, d'Internet. Connaissez-vous le site Google? Bien sûr, vous connaissez. L'entreprise Google vient de révéler... Google, c'est quoi? Je Google. Pour les non-initiés. Je viens de découvrir. Google est un moteur de recherche. Voilà, c'est tout. C'était tellement bien, la voix était parfaite. Ouais. J'ai été dictionnaire dans une autre vie. Ah, d'accord, ok. Pour ça. Donc, Google vient de révéler en cette fin d'année le classement des mots-clés les plus populaires en France cette année. Ça doit être si drôle. Alors, bien sûr, avant de vous les révéler, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez que sont ces mots-clés? Il y en a une dizaine. Enfin... Une raclette. Alors, vraiment pas du tout. C'est pas parce qu'on fait une raclette non, après l'émission que... Allez, amour. Non, ce serait trop beau. Non, pensez. Alors, c'est les mots-clés qui se répètent pas d'une année sur l'autre. Par exemple, amour, mort, sexe, en vrai, c'est ça les mots-clés. C'est depuis longtemps. Là, c'est que pour 2019, spécifiquement sur l'année 2019. 2019, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'on a France, qu'est-ce qui a marqué la France? Attentat. Attentat. Alors, il n'y a pas attentat, mais il y a un autre drame, y a, enfin, l'incendie de Notre-Dame. Ouais. Donc, il y a Notre-Dame de Paris, c'est le premier, en fait. Ah oui. Notre-Dame de Paris, ok. Ensuite, c'est Marie Laforêt. Donc, c'est une, j'ai regardé, je ne connaissais pas, honnêtement, je ne connaissais pas. C'est une actrice et chanteuse française qui est morte en novembre, là, donc c'est normal. Ensuite, il y a Neymar. Et puis Julie Graziani, parce que c'est un. J'ai regardé aussi, je suis pas sur toutes les polémiques, et c'était une polémique à la télé, encore oui, une. Ça, je l'ai vu celle-là. On adore. Karl Lagerfeld, ensuite. Coupe du monde féminine de football 2019. Jacques Chirac, bien entendu. Et Game of Thrones, résultat des élections européennes. Et Dijon PSG. Alors, j'ai pas suivi ce qui s'est passé pour Dijon PSG un jour, mais il doit y avoir un score de fou ou quoi. Mais Dijon PSG. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment le dixième, donc c'est quand même dans le top 10 des recherches les plus. Des mots-clés les plus recherchés par les Français. Aucune. Voilà, je vous le dis. Ah, si, moi je pense que j'ai fait 8 sur 9. 8 ah sur oui 10. Ah, oui, quand même. Ouais, honnêtement, j'ai fait résultat élection européenne, j'ai fait Jacques Chirac, j'ai fait Karl Lagerfeld, j'ai fait la première. J'étais très bien voir Jacques j'ai Chirac. J'ai pas fait la deuxième et j'ai pas fait la dernière. Notre-Dame, j'ai vu en direct à la télé, j'ai pas cherché après. Ouais, mais ouais, effectivement. Après, il y a d'autres catégories. Ça, c'est le top 10, toutes catégories confondues. Je suis donc pas du tout original. Voilà, je. Très peu. Non, mais t'es très dans le. Dans le ce commun, qui se passe, quoi. Le... Non, mais. Non. Ah, regardez comment Myriam, elle est toujours gentille. C'est... Elle est très gentille. Alors, Julien en régie. Toi, oui, bien sûr, non, c'était pour une précision. Le Dijon PSG. 8-0, ah, voilà, dis-moi. Score historique. 8-0, voilà. Ah, 0. Parce que je sais qu'il y a eu un 6-0 récemment, je sais plus où. Ouais, ouais. Et là, ça, c'est. Mais 8-0, d'accord, c'est effectivement, rare, c'est très rare. Pour que ça soit recherché, voilà. Ouais. Eh bien, merci, voilà. Avec plaisir. On aurait dû te demander, toi, le spécialiste sport de cette émission derrière la régie. Il y a d'autres catégories, juste je voulais faire rapidement, parce qu'il y a people, il y a politique, il y a film, tout ça. Il y a les paroles de chansons aussi, je ne sais pas pourquoi ils ont classé comme ça. Il y a vraiment plein de catégories. Les destinations les plus recherchées, avec en premier Cap Vert, Zanzibar, Bali, Costa Rica. Les recettes de cuisine en vogue en 2019. En 10 secondes, on va donner faim aux gens. Alors, je crois qu'il y a raclette. Il y a galette à la frangipane, c'est la première. J'explique pas énorme. Pourquoi c'est ça, mais. On est ensuite, français. C'est ça. Gigot d'agneau, rougaille saucisse. Petit big up aux îles aussi, parce que c'est super bon le rougaille saucisse. Fondue savoyarde, c'est très bon. C'est des saucisses avec des tomates. Ah non, mais fondue savoyarde, ça c'est très très bon. Exactement. Clafoutis, cèpes, courgettes. Bref, on va pas faire une émission culinaire, mais, mais voilà, les mots-clés les plus recherchés. Découvrez avec Contre-Soirée tous les plats que vous pouvez acheter sur Google. C'est ça. C'est trop bien, on fait des listes. On fait des top 10 des recherches. Et toi, Myriam? Impressionne-nous avec ton bouton replay. De quoi est-ce que tu nous parles ce soir? Je vais essayer. Ouais. Alors, mon bouton replay, c'est sur la série, une mini-série, qui a été produite par TF1, qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Mmh. Alors, qu'est-ce? Donc, quand tu m'en as parlé, je ne connaissais pas du tout. Pourtant, il y a eu énormément de pubs, je trouve. Notamment sur les arrêts de bus, etc., en ville, voilà. Et donc, c'est Le Bazar de la Charité. La série porte sur donc un drame qui a eu lieu en 1897. Mmh. Le Bazar de la Charité était une vente de bienfaisance, ouais, que les riches organisaient pour aider diverses causes, mmh, qu'il y avait à Paris. Donc ça se situe à Paris. C'est les Restos du Cœur, c'est ouais, ce genre de l'époque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc en fait le drame, c'est que un des projecteurs cinématographiques, en fait un des premiers de l'époque, va prendre feu à cause des vapeurs d'éther qui servent à faire fonctionner la lampe. Ah oui, mais j'ai vu passer cette anecdote, voilà, je le souligne, est-ce que c'est utile pour les gens, je sais pas, mais... Comme c'est tout vrai. Était imprégné de, enfin à l'époque les draperies, etc., étaient imprégnées de trucs issus d'hydrocarbures. Ouais. Tout a pris feu, c'était une belle flambée. Le problème, c'est qu'il y avait des personnes à l'intérieur, et donc 130 victimes, dont 7 hommes seulement, parce que parce qu'ils se sauvent plus vite et ils laissent les femmes crever. Ouais. Non, il y a quand même de ça. Mais après, c'est aussi parce que les femmes à l'époque, elles avaient quand même des robes un petit peu encombrantes. Et je suis sûr qu'en plus, elles portaient les enfants. C'est tout bête, mais il y a aussi les enfants. Effectivement, il y avait quand même les enfants aussi à récupérer. Et mais c'était aussi le fait que beaucoup d'étoffes, mais les hommes, honnêtement, ils ont un peu marché sur les femmes, voilà, pour sortir. Non, mais c'est un drame absolu. Alors c'est les hommes du peuple qui ont aidé, en revanche, qui sont allés dans les flammes, etc., de façon héroïque. Bon, enfin bref, le tout, c'est que la créatrice de la série, elle s'appelle Catherine Ramberg, et avec l'historien Bruno Fuligny, je suis pas sûre de bien le dire, on mais voilà, en tout cas. Ils ont donc créé cette série en prenant vraiment des libertés sur la réalité. Donc c'est des personnages fictifs. Voilà, il y a toute une piste anarchiste qui est abordée dans la série, qui a été à l'époque très vite abandonnée, mais qui, pour cette série, amène une belle intrigue. La politique, il y a aussi un peu une étude sur les mœurs de l'époque. Voilà. Après, on reste quand même dans une série qui reste assez ancrée, enfin qui est accessible parce que, par exemple, la manière de parler, on la comprend tout à fait, c'est quand même très proche de ce que nous, on a l'habitude de faire. Mais c'est prenant, il y a des très beaux décors, des costumes d'époque. Redis-nous l'époque de l'histoire. 1897 exactement. C'est ça, voilà. C'est une des premières années et les quelques mois qui suivent. C'est une des premières catastrophes de l'histoire du cinéma. Ah bah oui, ce qui a été présenté, c'était le premier, les Frères Lumière, enfin les premiers films des Frères Lumière, le train qui rentre à la Ciotat, voilà, ce genre de choses. Donc c'est le bazar de la charité qui a été présenté sur TF1, que vous pouvez regarder sur leur chaîne, enfin sur leur site. En replay. Oui. Pour le moment. Je ne sais pas combien de temps. Très bien. Eh bien, merci à toi. J'en profite pour placer un petit contenu culturel en plus, un petit bouton replay. Ça m'a fait penser l'histoire de cette première projection dont j'ai entendu parler à un podcast que j'ai écouté récemment qui s'appelle Une autre histoire et qui raconte l'histoire du cinéma avec comme personnage principal, c'est une histoire vraie, Alice Guy, qui était en fait la première femme réalisatrice. C'est une femme qui a été la première réalisatrice de films, de l'histoire, de films de fiction en France, et elle a une histoire incroyable, et en fait elle a à la fois créé tout cet écosystème du cinéma avec les Frères Lumière, etc., Gaumont, elle travaillait pour Monsieur Gaumont, et puis elle est partie aux États-Unis, le cinéma s'est exporté là-bas, et ensuite elle a été malheureusement invisibilisée dans l'histoire du cinéma. Donc je vous conseille ce podcast qui s'appelle Une autre histoire, enregistré par Aude Goning-Goubert, qui fait plein de trucs sur internet, bref, pour l'histoire du cinéma, puis on parle entre autres de cet événement tragique. Et je vous propose, comme les autres ne sont pas là de toute façon pour leur bouton replay, de passer à la suite. On se retrouve dans quelques minutes pour parler conversation instantanée, et voilà, c'est le moment de nous envoyer, si vous voulez, vos questions, vos avis, vos petits SMS, vos messages, et on se retrouve dans 4 minutes. C'est entièrement de ma faute, sache-le ça, si nous deux, ça chancelle souvent. Non, ce n'est pas de ta faute, sache-le ça, si nous deux, ça tend de temps en temps. J'aimerais tant que ça marche, que je ne te dis pas tout, pour que tu me reviennes heureuse. J'aimerais tant que ça marche, que je ne te dis pas tout, mais j'ai jamais cessé d'être amoureuse. Alors j'attends que la vie passe, que le temps fasse son effet. Et j'ai peur quand j'y pense, d'oublier qui j'étais. J'attends de ton envie qu'elle ressuscite. J'attends de ta colère qu'elle se dissipe. J'attends de mon espoir qu'il se décide. Maintenant, à prendre les choses en main. J'attends de ton désir qu'il réussisse. J'attends d'aux enfants qu'il s'épanouisse. J'attends de moi que je m'évanouis. Ce qui m'attend pour demain, on retiendra de notre ambition qu'elle était digne, avec un soupçon d'utopie. On retiendra de notre passion qu'elle était fine, pas du genre de celle qui détruit. Mais j'aimerais tant que ça marche, que je m'habituerai à remettre mon titre en jeu. J'aimerais tant que ça marche, je recommencerai s'il fallait, même si je pense qu'on peut faire encore mieux. Alors j'attends que la vie passe, que le temps fasse son effet. J'ai peur quand j'y pense, de m'éroder, de m'user. J'attends de ton envie qu'elle ressuscite. J'attends de ta colère qu'elle se dissipe. Espoir qu'il se décide maintenant à prendre les choses en main. J'attends de ton désir qu'il réussisse. J'attends de nos enfants qu'ils s'épanouissent. J'attends de moi que je m'évanouis devant ce qui m'attend pour demain. Oh, pour demain. De l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui. Tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Confiant que le temps vienne lisser nos tourments, ouais. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui. Tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Confiant que le temps vienne lisser nos tourments, ouais. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui. Tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Confiant que le temps vienne lisser nos tourments, ouais. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui. Tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Myriam, tu adores cette musique. Est-ce que c'est toi qui peux faire la désannonce, comme on dit en radio? Est-ce que tu peux nous dire qui c'est qui chante? Nous venons d'écouter Ben Mazué avec Pomme, qui chante J'attends, le titre J'attends. Waouh, c'est et beau. Et Myriam aurait pu la chanter de A à Z. C'est vrai. Mais à la place, je vous ai écouté réciter l'alphabet à l'envers. Voilà. Et c'est très bien. On s'amuse comme on peut, hein, en contre-soirée. Ouais, on s'amuse comme on peut. On n'a pas nos trublions, là, Mehdi et Juliette, pour chanter des trucs. Donc, bon. Oui, c'est vrai. Tant pis. Et d'ailleurs, le clip de J'attends, je vous conseille d'aller le voir. Il est en rapport avec le thème d'aujourd'hui, la conversation instantanée. Là, tu as vu Myriam, non? Tu l'as pas vu? Oui. C'est un clip où ils s'échangent des SMS, yes. des mots. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bien fait, techniquement. Et voilà, c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui, la conversation instantanée. On a reçu un petit message de Philippe Gomez 1656, voilà, c'est un pseudo, sur Instagram. Quelqu'un que je ne connais pas, donc on est content que voilà, les gens nous suivent un petit peu. Je vous écoute dans ma voiture en rentrant du boulot, trop bien. Smiley, wink, enfin, clin d'œil, pardon. Wink. Bien, merci à toi, Philippe. J'ai oublié wink. Chiffres après. 1656. 1656. Merci à toi, Philippe. Allez, c'est le moment de commencer. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Le vif du sujet. Le vif du sujet, parce que du sujet, ce n'est pas un mot français, du sujet ce soir, c'est les conversations instantanées. Alors c'est très large, ça rassemble Messenger, WhatsApp, toutes ces applications. Et puis on va continuer, il y a FaceTime, il y a Snapchat, Instagram, la partie message privé de Instagram, Skype, Discord, qui sont d'autres formes aussi avec l'audio, la vidéo. On va parler aussi des SMS, des mails et puis des appels. Est-ce qu'on continue à s'appeler? Quel rapport on a avec la discussion, avec la conversation dans notre époque et notre génération? Commençons avec un premier tour de table. Qu'est-ce que vous utilisez le plus comme outil, comme application, par exemple, pour ce genre de choses, Myriam? Toi, tu appelles, tu envoies des SMS. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est à peu près équitable, mais c'est peut-être pas vrai. Il faudrait que j'ai des vraies stats. Oui, pas forcément les stats, mais qu'est-ce que tu utilises en tout? Qu'est-ce que tu utilises? Moi, au c'est total WhatsApp, Messenger, un peu. En fait, je pense que c'est WhatsApp et les SMS. D'accord. Le plus. Voilà, si je peux appeler, c'est bien, mais comme je suis pas mal en bagnole ou en intervention, en tout cas la semaine, là, c'est plus compliqué. D'accord, ouais. Donc et après, Messenger un peu, mais ça m'arrive d'oublier Messenger. Donc du coup, les gens, ils attendent 10 jours. Trop bien. Pour que je réponde. C'est pas terrible, c'est pas mais voilà. Mais ça a pas l'air de te... Ça me traumatise pas vraiment, ouais. Mais je suis désolée, voilà, je fais un petit mea culpa parce que je sais que les personnes qui râlent un peu à propos de ça, coucou les parents. non, aux gens qui écoutent, aux gens qui te connaissent, qui disent ah mais elle a le temps de faire une émission de radio. Ouais, elle me répond pas. N'importe quoi. Et toi Josué, alors qu'est-ce que tu utilises le plus? Qu'est-ce que tu utilises en tout? Je prends tout ce qui existe. Ouais. Et j'utilise tout. Non, en vrai, en vrai beaucoup trop. J'utilise Snapchat, ouais. Messenger, vraiment ça c'est mon top 1. D'accord. Après appel SMS, WhatsApp un petit peu Et Insta parfois aussi. Instagram par message aussi, j'utilise. Et sinon, oui, c'est donc, à peu près tout. Donc Messenger en premier. Snapchat, tu le mets où? Tu le mets en deuxième ou tu l'utilises vraiment beaucoup pour... Top avec Messenger, vraiment. Messenger et Snapchat, c'est vraiment en permanence. Et c'est pour tout le monde? Non. J'ai des cibles... Ah oui, alors ça, c'est intéressant. C'est en fonction des personnes. En gros, certaines personnes... disons que Snapchat, il y a la possibilité de faire des vocaux ou des vidéos inutiles. C'est vrai. Donc, je fais les deux avec des personnes sur Snapchat, certaines personnes. Certains amis et d'autres, je vais sur Messenger. Là, c'est Messenger, c'est beaucoup pour les groupes de classe, groupes de à la fac, groupes de la promo, petits groupes, etc. Pour s'organiser. Ouais. Et aussi beaucoup de mes amis où on a des groupes d'amis, ou alors certains de mes amis qui utilisent Messenger où je sais qu'ils vont répondre directement et donc je leur envoie sur ça. Et sinon, SMS pour certaines personnes. Mon frère, j'utilise WhatsApp parce qu'il est à Prague, donc on utilise WhatsApp. Ouais. Ça, c'est très utile et pour le coup. La radio aussi, on utilise WhatsApp d'ailleurs. C'est vrai, pour s'organiser. Mais voilà, donc du coup, à peu près tout. Et Instagram, c'est divers. Ça dépend. Ouais. Voilà. Et alors moi, je trouve, dites-moi si je me trompe, mais il y a une facilité d'utilisation de toutes ces applis. Enfin, par rapport à avant, le avant qu'on dit tout le temps, mais qu'on n'a pas forcément connu, mais en tout cas, on écrit beaucoup plus vite. Moi, j'écris beaucoup plus vite que sur papier, mais vraiment, je pourrais plus. Enfin, de toute façon, le papier, c'est quand même autre chose. Mais des lettres, n'en parlons pas. J'ai pas écrit une lettre depuis très longtemps. Et voilà, mais par contre, on peut parler des vocaux. Alors toi, tu disais des vocaux, donc expliquons un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas, qui utilisent moins, qui sont peut-être plus âgés, qui ne connaissent pas du tout les messages vocaux. En gros, parce que pour les messages vocaux, on le dit, c'est le message quand il y a un répondeur. Téléphone. Bonjour, je ne suis pas là. Ça, je ne l'utilise jamais. Vous pouvez me laisser des messages, je les écoute une fois tous les 6 mois. Sur le répondeur, j'ai un message tous les 6 mois. Il y a le 31 mai 2017. Là, ok. Alors, les messages vocaux, ce sont des... Bon, vous avez un petit onglet micro sur certaines applications. Et si vous laissez appuyer dessus, vous pouvez parler et envoyer un message en parlant. Le vocal s'envoie tout seul. Et en gros, la personne recevra juste un bouton play pour pouvoir écouter votre message. Et il entendra ce que vous avez dit dans le message vocal, tout simplement. Mais directement, sans appeler la messagerie, parce que c'est relou. Le gros des avantages du vocal, selon moi, que j'utilise énormément de vocaux. Je fais beaucoup ça, parce que je trouve ça très pratique pour éviter de taper. Même si je pour tape expliquer très vite, quelque chose de long. Voilà. Le souci, c'est que je l'utilise aussi pour expliquer des choses courtes, où je prends 3-4 minutes de vocal pour expliquer, alors que ça s'explique en 8 lignes. Ah, la simplicité, ça se perd. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une facilité avec le vocal d'hésitation en parlant. C'est pour raconter sa vie. Et donc du coup, je sais que moi, il y a des vocaux que je fais qui vont durer 1 minute, 2 minutes. Ouais. Il y a 25 secondes intéressantes dedans. Eh oui, non, je comprends bien. J'imagine bien Julien. On imagine très très bien. On l'imagine bien. En régie, Julien, toi, je sais que tu utilises beaucoup les messages vocaux. Moi, ça a changé ma vie. Tout à fait d'accord avec toi. Alors que ce soit Instagram, Messenger, Snap, même les messages, j'ai réussi à trouver une fonction, les messages normaux. Pour faire ça, ça a vraiment changé ma vie. Je n'ai plus écrit un seul message. Tu disais, j'ai plus écrit une seule lettre. J'ai plus écrit un seul message depuis je sais pas combien de temps. Tu sais plus écrire, tu sais parler. Non, mais c'est vraiment génial. Et puis même, je sais pas, ça évite les confusions, tu sais. Dans les messages de ponctuation, de trucs. C'est vrai. Au moins, le ton. L'intonation aide énormément. Mais alors, question intonation. Alors, moi, pour finir sur les vocaux, il y a un petit désavantage, c'est que moi, j'aime bien rechercher des messages, revenir en haut d'une conversation pour trouver, je sais pas, un numéro de téléphone, un truc, un RIB. Oui, bah aussi, si t'es agaçant, Oui, ça va. T'es un espion, c'est tout, Grégoire. Ouais, je suis un espion, j'aime bien faire une petite recherche textuelle et tomber pile sur le truc. Ça, j'aime bien. Pour trouver une preuve, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut revenir dans les. Ça, c'est ouf aussi. On n'en parle pas assez, mais rechercher un message que vous avez envoyé il y a 6 mois et le retrouver. Qui avait tel thème, Si on se rappelle du thème. Oui, si on se rappelle du message. Ou de la date. Ouais, mais moi, je me rappelais d'un truc, c'était pas du tout le message en question. J'ai tapé vite fait le truc dont je me rappelais et ça m'a remonté à tout le message. J'ai trouvé pile de. Enfin, je trouve ça énorme. C'était arrivé, toi, Myriam, des fois de rechercher hyper, hyper loin dans le passé des messages comme ça? Oui. Pour retrouver une adresse ou le code qu'il faut pour le. Le portail. Pour la petite porte. C'est ça. Pour venir à la radio. Bah, si ça se trouve, Mehdi et Juliette, il leur manque ce code. C'est pour bloquer ça. À cause du portail. J'espère pas. Pour ce genre de petites choses, mais c'est pour des détails pratiques en général. Ouais. Je sais pas sur des conversations. Bon, je crois que les conversations importantes, vraiment, je les fais en direct avec les gens. Soit en direct, soit par Skype ou quelque chose en vidéo, quoi. Oh, ok. Je suis pas. Ouais, si j'ai une vraie discussion sérieuse. Donc toi, t'es pas trop. Souvent vocal. T'es pas trop discussion instantanée. Je suis moins, ouais, moins je suis pas très discussion instantanée. Parce que même si quelqu'un me répond direct, moi, je suis capable de faire autre chose entre temps déjà. Et... Trop bien. Ouais, je te comprends. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux que les gens me disent OK, on se fait un Skype, et là, je suis partante. Ouais. Mais ça, en fait, si tu fais que me parler par SMS. Ouais. Et là, on s'envoie plein de messages. Moi, je décroche un peu. Je décroche, quoi. Non, ouais. je comprends plutôt. Mais il y a des personnes avec qui ça marche moins, des personnes qui sont. Ouais. Qui ont la temporalité, on dit synchrone, asynchrone. Mmh. Quand c'est synchrone, c'est que c'est vraiment instantané. Enfin, ça se suit. Quand c'est asynchrone, c'est t'envoies un message, vous échangez trois messages, et puis ensuite, il y a un prochain message important, et la personne répond que le lendemain. Mmh. Alors, tu te dis, mais pourquoi elle est partie? En fait, non, enfin, oui, si, elle est partie, quoi. Mais... C'est ça. Si tu veux avoir mon attention, il faut être. Faut la capter, quoi. Fais un effort. Faut le vouloir, faut le mériter. Non, mais voilà, quoi. Attention, Myriam. C'est pas n'importe qui. Mais moi, j'ai une autre utilité pour remonter des messages. Ça m'est arrivé quelques fois avec mes proches. Tu remontes la conversation jusqu'à. J'ai des conversations qui datent depuis 2013. Je pense à une conversation en particulier depuis 2013. Et en fait, ça devient nostalgique. C'est comme quand tu trouves un carton dans la cave. Oui, mais tu moi, j'ai honte, des lettres. Moi, de ces conversations, je ne les remonte pas. Mais il y a des choses drôles. On a changé en plusieurs années. Oui, mais on a changé, justement, on ne relit pas ces messages. Si, mais attends, non, mais ça peut être drôle. Quand j'étais en quatrième, j'ai des conversations. Je ne relis pas ce que tu es, Josué. Oui, je sais qu'au fond, je suis toujours cette personne. Tu peux retrouver des trucs vachement bien. Des blagues, tu peux te dire, ah ouais, j'ai vraiment grandi. C'est quand même mieux maintenant. Ah oui, oui. Ou alors c'est pire, ça dépend. Non. Sois pas méchant avec toi-même. Mais non, mais par exemple, moi je réponds directement au message. Et tu vois, Myriam, je suis désolé, tu es le genre de personne qui me frustre. Parce que je suis. Allez, je suis... Non, mais c'est pas méchant. Mais non, en mais gros, je comprends. Hein, on m'envoie un message, je réponds 2 minutes après. Et là, la personne met 6 heures à me répondre. Et moi, je suis en mode. Écoute, tu veux engager une conversation avec moi? Je l'ai répondu, voilà. La conversation. C'est là que c'est intéressant. Tu ne l'engages pas si tu ne veux pas me répondre après. En fait, est-ce que c'est engager une conversation? Bah, ça dépend du message. Si c'est sûr, si le message il m'envoie on se revoit demain. Oui, là t'as pas. Là j'ai pas trop. Bah, je répondrai ouais à demain. Et là je m'en fous qu'il me réponde pas. Mais si c'est. Sauf si t'as pas envie de le revoir. Si c'est soit hey, oui. Bien joué, Grégoire. C'est juste. Si c'est hey ou soit hey, j'ai déjà des gens, ils m'envoient non, hey. Non, alors moi ça me. Je leur réponds instantanément et ils ne me disent non, mais ça, rien. C'est pas un début de conversation, je suis désolée. Moi je ghost ces gens-là, je suis désolée pour oui, ceux qui. Hey, on en fait les frais, mais. Hey, c'est quoi, bonjour, hey, c'est salut. C'est oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais il veut parler avec toi, la personne mais veut parler avec toi. Les enfants calmes, mais c'est un petit peu calme. C'est de l'amour. Tout va bien. C'est pas de l'amour du tout. C'est, je suis désolée. C'est, alors c'est maintenant, juste, je vais envoyer Myriam ça à 100 personnes et. Tous les jours, je vais envoyer hey à Myriam. Hello. Le débat, ce sera salut. Après. Hello. Oh là là. La réconciliation. J'espère qu'il y aura une réconciliation entre vous. On l'annoncera aux auditeurs quand. Le blanc. Vraiment le. Le blanc. Je laisse le blanc. Alors les enfants, pardon de vous appeler les enfants, je suis désolé. Est-ce que vous utilisez, on va faire un petit bilan encore de notre rapport aux conversations pour les auditeurs, est-ce que vous utilisez les smileys? Parce qu'on parlait tout à l'heure du mood, de l'état d'esprit dans les messages vocaux, on a le ton de la voix. Avec les smileys, on a un certain ton aussi. C'est génial. C'est un grand débat, on peut en parler des heures. Est-ce que vous utilisez les smileys? Est-ce que ça vous arrive de vous tromper sur ce que vous comprenez de quelqu'un d'autre? En régie, on peut aussi réagir. Est-ce que vous utilisez ce genre de smiley? Par exemple, Myriam, t'en mets, toi, dans tes SMS ou sur WhatsApp? Oui, j'en mets. Et mais alors déjà, il y a déjà l'étape, est-ce que tu mets de la ponctuation, genre un peu expressive? Ouais. Moi, je sais que mon frère en met absolument pas. Est-ce qu'il et répond, du coup, on a tout le temps l'impression qu'il n'a rien à faire. Bonjour. Alors que c'est pas spécialement le cas, ouais. Mais il a un côté assez neutre. Plaque de marbre par SMS. Ouais, c'est ça. Et, porte de prison. Et moi, je sais que je mets déjà pas mal de points d'exclamation, ouais, de fort, ouais. Ce genre de choses, et des smileys. Et mon père, il en met, c'est drôle parce qu'il en met 3 ou 4 à la suite. Et du coup, ça exprime des choses qui. Ça se complète pas mal, en fait. Ça, ça permet d'avoir une idée du mood, mais assez décrit, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que t'en utilises combien de smileys? Moi, j'en utilise. Moi, j'en mets un seul déjà, et j'en utilise peut-être 3 dans le message. Alors, j'en mets plusieurs, moi, j'en mets. Oui, mais moi aussi. Mais oui, voilà, mais il y a différentes manières de l'utiliser. Ouais. Quoi, mais ça enrichit le texte. Moi, je trouve que ça enrichit le texte quand les deux personnes sont d'accord, enfin, se comprennent mutuellement. Si tu envoies plein de smileys avec une petite, ça raconte une petite histoire parfois les smileys. Oui. Tu envoies ça à ta mère, elle te répond OK. Tu te demandes si tu vas avoir l'héritage plus tard, quoi. Enfin, après, si tu veux, moi aussi, ça dépend des personnes, encore une fois. Ouais. Parce que par exemple, j'ai des personnes, pour les personnes que je connais, en principe, j'en mets beaucoup. Mm-hmm. Maintenant, Quand j'apprends à connaître la personne et que je vois qu'elle met pas de smiley, qu'elle est peu expressive ou qu'elle met juste la ponctuation, et tu voilà, vas suivre sa façon je de communiquer. Je suis et je m'adapte parce que je sais que c'est très chiant pour quelqu'un qui reçoit pas de smiley d'avoir 20 emojis dans le message. En fait, ouais, c'est vrai. Moi j'en mets pas 20, mais j'ai une amie par exemple, big up à Anne-Lise, du coup, qui est hyper sympa, c'est une super amie. J'aime beaucoup ce que tu fais, Anne-Lise. Et voilà, exactement. Et donc, du coup, cette fille, elle met, on met dans nos messages, il y a énormément de smiley, énormément d'emojis, mais vraiment énormément. Vous vous rendez même pas compte à quel point, mais c'est super drôle, moi j'adore. Et parfois, moi, je prête plus attention du coup aux emojis qu'aux textes. Hein. Ben moi, je me suis habitué. Moi, je me suis habitué à mettre. Mais elle met énormément d'emojis et moi, je trouve ça trop bien. J'adore. Je suis jaloux, mais elle arrive à faire des dégradés et tout d'emojis. Enfin, genre, elle est trop forte et tout. Il faut du temps pour ça. Hein. Non, mais vraiment, je sais pas, elle les enregistre, mais enfin, bref, trop bien. Et donc, du coup, j'en utilise beaucoup. Mais bon, en tout cas, c'est un des moyens, des nombreux moyens d'enrichir le texte. Mais alors, ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, c'est que j'ai l'impression, alors dites-moi si je me trompe, c'est vraiment une idée reçue qu'on écrit en langage SMS. On écrit les mots en entier avec nos claviers qui corrigent tout. Oui. C'est juste qu'on sait pas les écrire après, mais c'est ça. On a des forfaits qui le permettent aussi maintenant. Julien en régie. Mais t'en parlais tout à l'heure, tu disais c'est comme quand on ouvre un vieux paquet, quand on retrouve des vieilles discussions. Est-ce que vous vous rappelez de vos vieilles discussions en 2012-2013? Moi j'adore retomber dessus. CC, CV, tout ça. Oui, y avait c'est pas... ça. C'était... Donc voilà, sur la forme, c'était en SMS. On est bien d'accord. Et c'est un plaisir, moi, de relire ça à chaque fois. Ouais, c'est sûr. J'ai honte, mais c'est un plaisir. Moi je suis pas assez vieux. Hein. Allez. C'est ça. Tu n'as pas de vieilles conversations. Voilà. Non, mais conversations, c'est 2017. Déjà le changement entre conversation. Parce qu'avant, on écrivait des SMS, je sais plus comment on les retrouvait. Parce que c'était pas sur une conversation suivie. Ah, c'était en fonction de. Une partie les reçus, une partie les envoyés, enfin les SMS envoyés, oui, les SMS reçus. Déjà, la galère. Dans ma tête, comment c'était. Mais une conversation, déjà, ça changeait la vie. Moi, quand j'ai changé de téléphone à un moment, je me suis retrouvée avec des conversations. Oui, on s'en rend pas compte, mais tout marche par conversation, même les mails maintenant. Récemment, par exemple, mes parents sont passés en mode conversation. Avant, ils avaient encore sur leur logiciel de messagerie, sur leur ordi, tranquillement, ils avaient une partie les reçus, une partie les envoyés. Et du coup, nous, on fait des conversations un peu fleuves, parfois, pour s'organiser, et ils n'arrivaient pas à suivre. Donc c'est bon, ils se sont mis sur le côté conversation, mais on s'en rend pas compte, mais c'est partout le côté où on fait défiler la page pour actualiser. Enfin, tous les réseaux sociaux sont comme ça, on remonte, on descend, on monte. Il y a pareil, il y a sur le site de France Info, quand vous allez sur le site de France Info, ils s'occupent d'un live. Il y a un live d'actualité. On peut aussi envoyer des messages, poser des questions et ils nous répondent. Ils disent pour répondre à la question de Jean-Michel, non, le VAR n'est plus en vigilance orange, etc. Enfin, donc en fait, ce système de faire défiler une page, il est partout et je trouve ça fou. Mais même des trucs qui se sont. Il y a des choses qui se sont totalement généralisées. Les conversations d'anniversaire. C'est créer un groupe pour ton anniversaire. Maintenant, c'est une base. Il y a plus de. Ah, moi, je me rappelle de mes 11 ans où on faisait avec mon papa le carton d'invitation et je le distribuais à l'école et au collège, etc. J'ai fait ça jusqu'au collège. Hein. C'était trop, charme, trop drôle. Hein. Ah, ça a du charme. Mais c'était trop drôle. Et quand je retrouve les vieux cartons d'invitation, je me marre parce que vraiment, c'était trop drôle. Et on peut penser que c'est ridicule, mais c'était juste trop drôle. Non, c'est pas ridicule. Maintenant, aujourd'hui, c'est Messenger. Un mois avant l'anniversaire, je crée un groupe, je mets tous mes potes dessus. Je dis yo, le 14 de machin, je sais pas. Et bam. C'est bon, ils me disent oui, tu je fais pas un dire sondage. Ta date d'anniversaire, c'est ça? Si, le 28 mai 2000, voilà. Hein, et bien, on te le souhaitera. Yes, trop bien. 2000, Seigneur. Bon, mais vas-y, je t'en prie, insulte-moi, il n'y a pas de souci. Mais même maintenant, c'est juste pour dire que j'ai plusieurs amis aussi qui, bon, ils ont bien sûr envoyé un carton d'invitation, mais ils ont aussi fait un événement Facebook pour leur mariage. Ah oui. Mais ça aussi, c'est très pratique. J'ai appris le mariage. Ça m'a étonné, quoi. J'ai appris le mariage d'un ami de mon âge dans une conversation Messenger. En exclusivité, dans un petit groupe de potes restreint, mais. Au début, tu dis ah, c'est bizarre, on critique et tout. Puis après, tu te dis, en fait, non, l'époque elle est comme ça. Enfin, oui, c'est ça. Et puis après, de toute façon, après, pour le truc sympa, on reçoit quand même le carton finalement. Mais, ça permet de quand même s'organiser vachement bien. Mais l'événement. C'est intelligent, oui. L'événement du marché de Noël, par exemple, il existait déjà sur Facebook en septembre. Et ça, j'étais choqué. Ils ont créé le groupe pour vraiment rattirer du monde. Et en novembre, quand il a commencé, il y avait, je crois. Il y avait énormément de monde sur l'événement. Il y avait le marché de Noël de Toulouse. Ouais. Parce que c'est quand même quelque chose qui s'installe pendant un mois quoi, sur la place du Capitole. Et donc il l'avait mis vachement avant. D'ailleurs, allez checker le marché de Noël, il est trop cool, c'est super beau. Voilà. C'est vrai. Surtout les allées Jean Jaurès. Je sais pas si vous êtes allé sur les allées Jean Jaurès. Oui. C'est magnifique, les illuminations et tout, c'est trop beau. Marché de Noël, c'est chouette. On paye un loyer pour chaque truc, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on paye un impôt, oui. Non, c'est assez cher, mais c'est chouette. Je vous propose, comme on est tous les trois, enfin de toute façon on l'aurait fait, mais un petit débat. Et puis petit prétexte pour continuer la discussion, voici le débat des chefs. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Le débat des chefs. La question, je vous la pose aussi à vous qui nous écoutez. On pouvait réfléchir chez vous, en parler, en famille, entre amis, ou y réfléchir tout seul. Je la pose aussi à mon équipe restreinte d'aujourd'hui. Et chacun voilà, prend le temps de choisir le parti du oui ou le parti du non. Est-ce que l'instantanéité, le fait que les messages, les échanges, les discussions instantanées, c'est dans le nom, soient aussi rapides, est-ce que ça appauvrit leur contenu? Est-ce que ça appauvrit leur teneur? C'est-à-dire, est-ce que le fait de pouvoir échanger tout de suite avec quelqu'un par messagerie instantanée, par message vocal interposé, par un appel vidéo, etc., est-ce que ça enlève quelque chose à la discussion? Est-ce que ça enlève du fond? Est-ce que ça enlève du recul, par exemple? Je vois Josué en pleine méditation, et Myriam également. Je suis mort de fatigue, les amis. Prenez le parti du oui ou du non, ça fera plaisir à nous. Aux gens qui nous écoutent, un petit avis tranché. Allez, Myriam commence. Moi je dis non. Tu dis non. Non, ça moi, n'enlève pas de fond, etc. Voilà. Alors moi non plus, je trouve pas que ça enlève bon, alors, de je fond. Dis oui. Alors je dis oui, je m'adapte. On a je crois qu'un... Et Julien en régie. Je peux défendre le oui. Voilà, je vais défendre le oui aussi. Ok, ben non alors. Ok. Ah, comme tu veux aujourd'hui. Mais rien, on est ensemble pour une fois. Ok, donc vous avez le parti du non. Donc vous êtes les optimistes, nous sommes les pessimistes, bienvenue. Exactement, salut Grégoire. C'est ça, j'adore ce camp. Non, on est, optimistes, mince, je sais plus. C'est pas grave, Myriam, c'était bien. C'était bien, non. Travailler les slogans, ça va bien. Non, si vous êtes les optimistes, effectivement. Les optimistes. Alors quels sont vos arguments? Pourquoi vous pensez honneur aux dames, je t'en prie. Dame Myriam. Dans le sens. Voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est pas le fait que ça soit instantané ou pas, ouais, qui fait que le fond a du contenu, de la richesse ou pas. Mm-hmm. Je pense que c'est deux choses différentes. L'instantané peut complètement avoir du contenu et ouais. de l'important, enfin quelque chose de tout à fait construit. Ouais. C'est juste une question de temps. Enfin, pour moi, c'est de la temporalité là dont on fait la différence. Mais alors, moi, je pourrais te répondre que non, justement, c'est enfin toutes les disputes, par exemple, elles naissent de discussions qui ont été trop rapides, où on n'a pas pris le temps de se poser, de réfléchir. Mmh. Mais moi, je suis pas soupe aux lettres du tout, donc ça marche pas. Moi, en fait, si ça commence à s'enflammer, je dis bon, là, ça commence à partir en live. Moi, dans ces cas-là, c'est vrai que je réponds pas. Enfin, voilà. Donc, aussi, c'est facile. Je me retire de l'instantané. Tu te retires, ouais. Mais dans la vie quotidienne aussi, en fait. Alors, moi, j'ai un argument de mon côté. Moi, je dis attends, j'y réfléchis. Ouais. Tu réfléchis, bah ouais, d'accord. À plus tard. De mon côté, l'argument tout simple, c'est que en fait, on est sur nos téléphones parfois et ça peut réellement nous couper de ce qui se passe dans IRL, comme on dit, dans la vraie vie. Si on a un pote à côté qui nous parle, on répond à un message sur notre téléphone. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je vous laisse un petit peu cogiter. Mais Josy, si t'as une réponse, pendant ce temps-là, nos congénères sont arrivés. Mehdi et Juliette. Bonjour, Mehdi. Bonjour, Juliette. Bonsoir. Donc non, alors moi je pense que non aussi, parce que pour une raison simple, c'est que par expérience en fait, si on veut que le fond disparaisse, on peut le faire disparaître des messages instantanés, c'est pas un problème, mais si on veut qu'il y ait du fond, il y en aura, c'est pas un souci. Moi par exemple, j'ai lancé une discussion philosophique avec un ami, Sébastien en l'occurrence, s'il écoute, et donc j'ai lancé ça, j'ai dit, c'était un sujet, ça m'est traversé la tête et j'avais besoin d'en parler, donc du coup j'ai envoyé ça à Sébastien par Messenger. On salue, hein, il nous écoute sûrement, voilà, on a rediffusé c'est ça. En Chine. Et donc du coup, c'est parti, pendant une heure et demie, enfin allez, j'exagère, trois quarts d'heure, une heure, on a fait une discussion de philo, archi basée sur du fond. Il n'y avait pas d'émojis, rien, pas de ponctuation, juste parler, comme on le ferait dans la vraie vie, pas d'intonation, d'accord, pas de vocaux, juste des messages. Et ça peut paraître très surprenant, mais franchement, c'était hyper intéressant, c'était hyper constructif, c'était hyper argumenté, et c'était une discussion vachement intéressante. Et le fait que ce soit instantané a juste rendu ça possible, parce que en fait, j'aurais pas pu l'appeler forcément. D'accord. J'aurais pas pu non plus aller le voir. Le fait de le faire tout de suite, t'as pu exprimer ta pensée, vous avez pu. Ben en fait, ça m'est traversé la tête. Ah, j'aurais peut-être oublié le lendemain, et là, j'ai pu juste apprendre des choses, en discuter avec lui. D'accord. Voilà, et c'était tout simple, c'était instantané, et ça a duré trois quarts d'heure. En l'occurrence, bon, j'avais le temps, donc. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, Mehdi et Juliette, re-bienvenue. Donc, voilà. Donc, vous le savez, on est dans le petit débat. Est-ce que l'instantanéité, est-ce que le fait qu'on est tout le temps en train de répondre tout de suite à nos messages, est-ce que ça nuit au contenu des échanges? Est-ce que le fait d'avoir une discussion tout de suite, très rapide, d'organiser un truc tac, tac, tac, tout de suite, est-ce que ça enlève du recul, du fond, de la réflexion, la profondeur? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mehdi? Bah, après, je sais pas. C'est comme pour n'importe quelle conversation. Tu peux avoir de la profondeur même sur un échange bref, rapide, D'accord, tout ouais. dépend de l'interlocuteur et du feeling que t'as. Mm. Donc t'es dans le parti des optimistes comme et toi Juliette moi de ton aussi côté. Je suis dans le parti des optimistes. Aïe, je suis 1 contre 4. Heureusement il y a Julien en régie qui est avec moi. Et alors tu les as retrouvés tout seul. Ah pardon. Ouais, tu risques de te retrouver tout seul. En fait, je crois que j'ai mal compris la question. Moi, je pensais avant la messagerie instantanée, avant à l'époque où les gens envoyaient des lettres. Si t'écoutes pas, Julien, on peut pas y faire grand chose. Désolé, t'es 1 contre 5. T'es foutu. D'accord, bon, bah écoutez, ça me va. Dur de défendre ce parti-là, mais c'est vrai que parfois, le côté instantané, on va pas se mentir, ça crée un petit peu de friction, de conflit. N'empêche, voilà, je vais pas vous mentir de mon côté, ça a des avantages aussi. J'ai pu organiser des choses super rapidement, débloquer une situation. Mais il y a le côté, on en a pas parlé, on peut l'évoquer rapidement, le côté professionnel. Je sais pas si vous avez vu, les entreprises récemment se mettent à proposer des chatbots sur leur page. On peut discuter en instantané sur le site de, je sais pas quelle agence de voyage, je sais pas quel site, la CAF ou autre, pour résoudre un problème administratif. C'est ça. Ouais. Parfois ça marche, je sais pas si vous avez déjà testé, moi j'ai testé. Oui, sur la CAF. Mais c'est pas... Ouais, voilà. Alors moi je sais plus sur quel site, mais ça m'avait aidé. Mais en fait, c'était la même temporalité qu'un mail. C'est-à-dire qu'ils ne me répondaient pas tous. Ils m'ont répondu une fois, 3 heures après dans la journée, pour me dire « Ok, on prend en compte votre souci ». Et ils m'ont répondu ensuite 2 jours après. Donc c'est juste le... Techniquement, c'est une messagerie instantanée, c'est un chat. Mais en fait, ça n'a rien d'instantané. Mais c'est un ordinateur qui te répond, non ? Non, là, c'était des vrais. Non, c'était... moi, c'était l'ordinateur, du coup, qui m'a répondu. Sur la CAF, tu disais ? Oui. Oui, effectivement. Ça dépend des entreprises. Voilà. Est-ce que vous avez déjà testé les enceintes connectées ? Je voulais vous demander. Personne ? Les enceintes connectées, c'est-à-dire ? Les enceintes connectées, Alexa, leur parle. Google Home. Ah oui, Google Home. Ouais, j'en avais un, mais j'ai arrêté parce que c'est trop flippant ce truc. Non, c'est en train de monter. C'est en train de monter, quoi qu'on en pense. Effectivement, ça prend petit à petit des parts de marché. Et puis, il a éteint ma lumière tout seul, j'ai trop flippé. Ah, je vous jure. À ce point-là ? Mais ouais, il y a des bugs des fois, je l'ai débranché, j'ai ta dit ok. Ta lumière de quoi ? En gros, si vous voulez, mes potes m'avaient offert pour mon anniversaire une ampoule connectée et Google Home. Pour que j'ai l'ampoule, je ne sais pas pourquoi ils m'ont acheté ça. C'était drôle hein, en l'occurrence sur le moment. C'était mais je l'ai utilisé un an et encore. En l'occurrence, l'ampoule, tu pouvais dire à Google de l'allumer en rouge, en vert, en bleu, en jaune, ou de l'allumer en multicolore, ou qu'elle fasse des variations, etc. C'était drôle en soi. Mais je m'en suis servi, bon, on va être honnête, je m'en suis servi un mois et encore, et j'ai arrêté. Mais du coup, non, j'ai arrêté parce qu'un jour, il a éteint la lumière tout seul, j'étais en train de lire, et j'ai bugué de ouf, j'ai fait, on va te débrancher, hein. L'esprit est-tu là ? Il y a une vidéo où Google, carrément, il dit. Je contrôle toute ta maison. Arrête tout de suite de m'insulter, machin. Enfin, c'est un fake, je pense. Mais ils sont, c'est ils très, sont très drôle. Dans tous les cas, ils sont programmés pour. C'est pour ça que j'en parle, pour faire des conversations. Parfois, bon, ça marche pas encore très bien, hein, mais. Ils font des blagues et tout. Ils font des blagues. Ils font des blagues et ça, par contre, ils sont super, super. Ils sont pas mal. Ils sont calés. Elles sont drôles, les blagues. C'est drôle. Ouais, ils font trop rire. Moi, j'aime bien. Et puis, bon, après, il y a des films aussi où t'as. Enfin, de science-fiction, par exemple, Her, le film Her, qui est excellent, qui est super beau visuellement, mais le scénario est incroyable aussi. Ils discutent vraiment. C'est une personne qui discute vraiment avec son intelligence artificielle implantée dans son oreille. Et là, c'est une vraie conversation, mais ça part hyper loin. Enfin, je vous le conseille, ce film. Je vais pas en parler en recommandation. Je vous le conseille maintenant. Heurt avec Will Smith. C'est ça ? C'est un film de Spike Jonze, mais je ne sais plus comment s'appelle l'acteur principal. Il me semble que c'est celui de Gladiator qui joue. Okay. Je dis peut-être une énorme bêtise. Non, je confonds deux acteurs, c'est pas grave. Est-ce que les gens ont quelque chose à faire ? Je ne crois pas. Mais c'est un film très intéressant, on le voit vraiment converser, écrire des lettres. Tu l'as vu toi, Juliette ? Non. Mais ouais, il est pas mal. Il développe des sentiments. Oui, c'est ça, exactement. Il développe une romance, il y a vraiment une romance entre les deux. Les deux personnages. Julien ? Joaquin Phoenix. Merci beaucoup. Est-ce que c'est celui qui joue Joker ? Joker. Ah voilà, et pas, c'est pas l'acteur c'est de le méchant dans Gladiator, c'est Commode. Voilà. Oui, il y est aussi. Grégoire marrant, est d'accord. Trop fort. S'il vous plaît. Vraiment. Regardez ce talent, quoi. Cet homme qui n'a pas vu le Seigneur des Anneaux qui est en train de le regarder en ce moment. Faut bien t'es plus à tout. Je retire ce que je viens de dire. Bon, et on vous a pas demandé tout à l'heure, Mehdi, Juliette, est-ce que vous utilisez beaucoup, pas beaucoup les messages instantanés ? Toi, Juliette, tu utilises Moi, WhatsApp. Que WhatsApp. WhatsApp à fond ? Ouais. Mais à fond, ouais, vraiment. D'accord. Ouais, beaucoup, quoi. Ouais, effectivement. Et beaucoup d'émojis aussi. Ouais. Vous savez, tiens. Ouais, ouais, bien sûr. Et voilà. Trop bien. Et les messages vocaux, un petit peu ? Aussi, oui, beaucoup. Ouais. D'accord. On peut évoquer la vidéo aussi, ça vous arrive de. Enfin, sur Snapchat. Toi, tu utilises Snapchat. Ouais, Josué. La vidéo. J'envoie des snaps, 30 vidéo, snaps voilà. Des fois, comme ça d'affilée. Snap, c'est ça. Snap étant petite vidéo, petite photo, qui dure 10 secondes. Voilà, pour les gens qui connaissent pas forcément. Comme vous voulez. Mehdi, t'es très discussion instantanée, toi Beaucoup. Messenger, WhatsApp, comme tout le monde. Après, j'ai pas Snap. Ouais. J'ai pas Insta, donc, mais rien que ça, ça va. D'accord. Donc, des audios aussi. quand j'ai pas le temps d'écrire. Ouais. Mais moi j'aime bien écrire. T'aimes bien écrire. Ouais, j'aime bien écrire. Ouais. Je fais pas de pavé, je sais que ça peut saouler les gens, mais moi j'envoie des phrases de 4 mots en rafale, tu vois. Ouais. Certains en fait ils vont envoyer un gros bloc, moi c'est tatatata. À chaque fois, ouais, c'est des rafales. Trop bien. Et voilà. Donc beaucoup, on est tous messagers instantanés, ça c'est sûr. Ouais. Bon, il y a encore, faut dire qu'il y a encore le mail qui va rester dans tous les cas parce que ça c'est une technologie à part et ouais. Il se passe beaucoup de choses par mail, mais c'est moins instantané. Mais quoique, à un moment donné sur Gmail, il y a quelques années, il y avait le chat, il y avait la discussion instantanée. Et moi j'ai des discussions fleuves sur, mais anciennes. Voilà, on parlait des discussions qu'on retrouve, des conversations dont on remonte le fil pour retrouver des souvenirs. Et j'ai des conversations qui datent de 4 ou 5 ans. Sur Gmail, quoi. Il y a de quoi faire. Mehdi ? Et moi, j'avais une question, en fait, pour vous tous. Est-ce que vous pensez, des fois, que l'utilisation des emojis, c'est une réduction de la pensée ou de l'écriture ? Bah, notre débat, il portait sur la réduction du fond, mais alors... Ouais. Est-ce que vous pensez que ça enrichit ? Moi, je pense que oui, ça enrichit le texte. Après, ça dépend comment on l'utilise. Et quand on voit toute l'énergie qui est mise dans le développement des emojis dans le monde entier. Mais regardez combien il y en a, en fait. Mais réduire la pensée... parfois ça peut juste tu peux juste mettre l'emoji parce que t'as pas besoin d'exprimer quelque chose. Ouais. T'as juste besoin de montrer quelque chose plutôt. Ouais. Ça tu va vois, être comme, plus parlant comme comme tu ferais avec ta tête quoi, genre comme le langage corporel en fait. Voilà, exactement. Et si tu l'as pas effectivement, ça peut aider. Les emojis expressions corporelles, ben il y a des petits emojis, je vais pas les décrire, c'est hyper compliqué. Il y en a pour tout. Mais les emojis qui haussement des épaules ou des trucs comme ça ou enfin voilà. Ça je trouve ça hyper intelligent. Hyper pratique parce que ça, à décrire, enfin. Oui, et puis parfois une phrase ne va pas refléter voilà, ça. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est toute la question. Hochement de tête, l'emoji hochement de tête, enfin. Il y a des choses comme ça, basiques, où t'as pas besoin d'écrire une phrase pour répondre, t'écris juste un emoji et tu lui réponds et il comprendra quoi. Le fameux pouce en l'air popularisé par Facebook il y a des années, continue. Trop populaire. Mais j'aime bien celui-là aussi, le au poil. Bon, merci à tous pour vos arguments, vos idées. On pourrait en parler longtemps. C'est un sujet qui nous occupe tout le temps, qui va continuer de nous occuper dans cette société très numérique. Nous, je vous propose qu'on passe à nos petites recommandations. Ça arrive dans 2 minutes. Now the night is coming to an end. The sun will rise and we will try again. Ooh. Stay alive for me. You will die, but now your life is free. Take pride in what is sure to die. I will fear the night again. My only friend. Stay alive for me. 21 Pilots sur Radio Présence dans Contre-soirée et nous on passe à nos recommandations du jour. Contre-soirée. L'émission culturelle de la génération, les recommandations. Et nos recommandations, comme toutes les semaines, on espère que ça va nourrir un petit peu vos idées pour le week-end et pour Noël qui arrive. Mehdi, de quoi tu nous parles ce soir ? Alors samedi, si vous n'avez rien de prévu, moi je vous invite à aller à Notre-Dame de la Dora, de la Basilique, pour un concert de Noël avec la troupe Sinfonia Garonia. C'est un chœur mixte avec des hommes, des femmes, et des étudiants, des professionnels, avec des musiciens, enfin tout un orchestre. Et c'est vraiment pas mal parce qu'ils ont un panel très très large. Ça va des classiques aux musiques de jeux vidéo, aux films et tout. Donc allez-y dans un merveilleux cadre qui a été restauré. Donc samedi soir à 20h30, si je m'abuse, 20h30, 22h30. Sinfonia Garonia. Sinfonia Garonia. Concert de Noël. Garonia. Garonna, pardon. Voilà, petite. Merci. Super, super concert, effectivement. Alors, j'espère, effectivement, j'ai vu ce qu'il faisait. Myriam, à toi. Alors, moi, je vous parle d'un film qui s'appelle Walk the Line. C'est un biopic sur Johnny Cash, que je pense qu'on n'a pas besoin de représenter, mais qui a un formidable. Rocker, ouais. Bluesman, etc. C'est l'homme en noir qui est dans ce film joué par Joaquin Phoenix. Encore, on en reparle ce soir. Il fait tout en ce moment. Et avec Reese Witherspoon, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, en gros, c'est sur sa vie. Le couple d'acteurs est magnifique ensemble. C'est un film long, mais où on ne s'ennuie pas. Et je vous invite vraiment à aller le voir, c'est superbe. Josué ? Moi, je vous recommande, pardon, un groupe de musique qui s'appelle Simple Plan. Alors, c'est un peu musique qu'on écoutait au collège, mais je vous le conseille vraiment. C'est vraiment pas mal, c'est du bon rock. Donc, allez écouter. Ça donne envie. Voilà, voilà. Et Juliette. Et moi, je vous recommande le rappeur français Chili, un peu dans la lignée de Kobalade, qui a une voix très atypique, une gestuelle aussi très atypique. Donc, allez l'écouter. Voilà. Je suis allé voir tout à l'heure, comme tu m'en as parlé, effectivement. Il est très souple. Je vous le recommande. Il est très souple aussi. Et il a une voix. Allez voir. Merci à vous d'avoir suivi cette contre-soirée, une rediffusion du 13 décembre 2019. Réalisation Coraline Vialon et Julien Delmas, à la vidéo Marin Depintis. Toute l'équipe et moi-même vous retrouvons avec plaisir et en direct jeudi prochain. D'ici là, vous retrouvez toutes les éditions de Contre-soirée en podcast sur radioprésence.com et sur n'importe quelle application d'écoute comme Deezer, Spotify, Google Podcast ou Podcast Addict. Pour nous contacter, une adresse mail ctrsoirée@gmail.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci de nous être fidèles. Contre-soirée, ça continue tous les jeudis à 19h sur Radio Présence.